بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراستنا لكتاب التوحيد، سائلين الله جل وعلا المولى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on va continuer inchallah notre étude sur le livre de l'unicité, et on est toujours sur l'étude du chapitre qu'a rédigé l'imam al-Bukhari. Et en guise d'intitulé à ce chapitre, il a utilisé et cité le verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il a créé les cieux et la terre bilhaq. On avait expliqué le terme bilhaq dans les allocutions précédentes. Et hier, on avait terminé avec l'évocation du hadith. Donc ensuite, l'imam al-Bukhari a conclu ce chapitre avec l'évocation d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir dans ce qui va suivre, on va étudier, inshallah, ce hadith. C'est un hadith qui est vraiment immense et très important. Donc vous allez voir l'essence que renferme ce hadith. Et ce n'est pas en vain que l'imam, l'auteur, al-Bukhari, rahimahullah, a mentionné et cité ce hadith dans ce chapitre aussi. Et avant qu'on puisse commencer et continuer sur l'étude de ce hadith, on se fait un bref rappel, très rapide, concernant ce qu'on a appris hier. Donc hier, on avait terminé l'étude des versets, aussi bien du premier verset, du verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, en guise d'intitulé à ce chapitre, et aussi les versets dans Sourate Fussilat qu'a mentionné le commentateur, celui qui nous explique ce livre, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Donc on avait terminé l'étude des versets qu'a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen dans la sourate, les versets détaillés, où on a le détail de la création. Ou plutôt, où Allah Jalla wa Ala nous mentionne qu'il a créé les cieux et la terre en six jours, et on a discuté de cela dans les allocutions précédentes. Ensuite, on avait terminé la dernière assise et le dernier cours avec une bonne portée d'attention, un bon rappel de Cheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'il nous a fait un rappel sur le fait de ne pas s'immiscer et ne pas rentrer dans des sujets qui ne nous ont pas ou qui ne nous a pas été demandé de traiter, ou tout simplement de s'approfondir dessus. Donc il nous a dit, il y a des choses, il y a des sujets où il ne nous a pas été demandé de s'approfondir et de les creuser, ces sujets-là. C'est pour cela qu'il a fait une bonne portée d'attention concernant ce qu'on appelle en arabe « al-ta'ammuq », le fait que « l'insan yata'ammaq fi ba'd al-masail », le fait de s'approfondir, de creuser certains sujets, alors que cela ne nous a pas été demandé. Donc il y a des sujets où Cheikh nous dit, ce qui nous incombe à nous, ce qui nous est demandé à nous, c'est de dire nous avons entendu et nous obéissons, nous y croyons. Voilà ce qui nous incombe. Sadaqna wa amanna. Le fait de dire nous avons cru et nous accordons foi à cela, et nous nous soumettons à cela. Sami'na wa ta'na. Nous avons entendu et nous nous soumettons. Ou bien, nous obéissons. Sami'na wa ta'na. C'est pour cela qu'ensuite, il avait terminé ce rappel et cette portée d'attention avec le hadith, un hadith du prophète, sallam, qui a un immense rappel lorsque le prophète, sallam, nous dit, halakal mutanatti'un. On périt. Il a dit cela à trois fois. on périt ceux qui exagèrent. Et on avait expliqué le sens at-tanattu' ici, pour bien comprendre, on traduit de manière générale, on peut le traduire par ceux qui exagèrent, c'est-à-dire ceux qui s'imposent une chose qui ne leur a pas été imposée. Ceux qui s'imposent une charge, par exemple, comme on l'avait dit hier, alors que cette charge n'aurait pas été imposée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ceux qui, par exemple, s'immiscient dans des domaines, s'approfondissent dans des domaines, exagèrent dans certains domaines, ou bien innovent, ou bien rapportent des nouvelles choses. Tout cela rentre, on avait dit, dans le sens de at-tanattu', selon les explications de savants de cette communauté. C'est pour cela qu'on avait terminé cette allocution avec ce hadith important, où le prophète ensemble dit à trois reprises « Halakal mutanattiun ». Donc on comprend un peu le sens ici, le fait qu'on périt ceux qui exagèrent, ou bien ceux qui s'imposent des choses qui leur appellent était imposé, par exemple. Et donc ça, c'était un très grand appel que nous a fait Cheikh Ibn Uthaymeen dans la dernière allocution. Donc là, on va continuer, Inch'Allah, sur notre sujet. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a mentionné un hadith. Et donc, il va conclure ce chapitre avec un récit. Mais c'est pas n'importe quel récit qu'il va le mentionner ici. Et c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre l'importance de ce hadith. Vous allez voir après l'étude de ce hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, on va voir que ce n'est pas en vain hein, qu'il l'a évoqué à ce moment-ci de son livre, et ce n'est pas en vain qu'il a choisi d'évoquer ce hadith. Parce qu'on voit que dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari, si vous observez hein, minutieusement, si on contemple bien, on voit que l'imam al-Bukhari a mentionné qu'un hadith. Il a mentionné un hadith dans ce chapitre. Mais ce hadith qu'il a évoqué, vous allez voir, est un hadith d'une immense importance. C'est un hadith qui est vraiment important et que le musulman doit connaître et prendre connaissance des sens et des enseignements que renferme ce hadith. Donc ce hadith, on a dit, c'est le hadith de Abdallah ibn Abbas. C'est le compagnon Abdallah ibn Abbas qui nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il se réveillait, lorsqu'il se réveillait la nuit, donc la nuit, le prophète, comme il est célèbre, hein, il est connu que le prophète, il se levait la nuit, donc une partie de la nuit, elle était dédiée pour les prières, ce qu'on appelle les prières nocturnes. Et on voit qu'il y a, par exemple, des versets où Allah Jalla wa'ala dit au prophète, hein, et prescrit au prophète, et exhorte le prophète de se lever une partie de la nuit pour le prier. Et c'est ce qu'on appelle donc la prière nocturne. Donc le prophète, il était célèbre qu'une partie de la nuit, il se levait et il adorait Allah en cette nuit et il l'invoquait, donc il l'adorait en l'invoquant et en priant. Et en priant. Et de ce fait, dans ce récit, Abdallah ibn Abbas, ce célèbre compagnon, nous rapporte que le prophète, lorsqu'il se réveillait la nuit, donc il invoquait Allah Jalla wa'ala d'une manière. Et justement, c'est ce qu'on va apprendre ici avec l'étude de ce récit que on a lu hier, que je vous avais lu hier, et il nous manquait de continuer la traduction de ce récit qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le hadith, « Kana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam yad'u min al-layl. Allahumma laka al-hamdu anta rabbu al-samawati wal-ard. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وأعلنت وأنت إلهي أنت إلهي لا إله لي غيرك حدثنا ثابت ابن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. Donc dans ce hadith, donc il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il invoquait Allah en disant Allahumma lakal hamd, ou à toi appartiennent les louanges. Tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. Lakal hamdu, à toi les louanges. Anta qayyimus samawati wal ard. Anta qayyimus samawati wal ard. Tu es certes le qayyim de samawati wal ard, des cieux et de la terre. Et dans l'explication, on verra le sens, on expliquera le sens de al qayyim. Qayyim, Samawati wal Ard, lié au nom Al-Qayyum. Donc on expliquera le sens de l'un des noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Qayyum. Wa man fihin, et de tout ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire les cieux et la terre. Lakal hamdu, à toi les louanges, anta nuru samawati wal ard, tu es certes la lumière des cieux et de la terre, et ta parole est vérité, et ta promesse est vérité, et ta rencontre est vérité, ton paradis est vérité, l'enfer est vérité, l'heure est vérité. Allahumma laka aslam, au Seigneur pour toi je me suis soumis, à toi je me suis soumis, en toi j'ai cru, wa alayka tawakkalt, et je me remets, je m'en remets complètement à toi, wa ilayka anabt, et mon retour se fait vers toi, wa bika khassamt, wa ilayka hakamt. فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتْ وَمَا أَخَّرْتْ, jusqu'à ce que le prophète sallam disait, après qu'il dit وَبِكَ خَصَمْتْ وَإِلَيْكَ حَكَمْتْ فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتْ وَمَا أَخَّرْتْ. Et l'essence de cela, on les prendra inshallah dans l'explication. Ensuite le prophète disait, au Seigneur pardonne-moi ce qui a précédé et ce qui est à venir, وَأَسْرَرْتْ وَأَعْلَنْتْ, et ce qui s'est fait d'une manière cachée et publique. Anta ilahi, tu es ilahi, mon Seigneur, mon adoré, la ilaha, il n'y a nul adoré pour moi véritable si ce n'est toi. Donc ça c'est de manière relative, c'est une traduction relative et rapprochée de ce hadith. Donc vous avez pu constater que c'est une invocation. C'est une invocation, mais pas n'importe laquelle. Cette invocation, le prophète en sallam la disait lorsqu'il se levait la nuit. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les savants nous informent. Donc là, on va d'abord parler de à quel moment le prophète Hassan disait cette invocation. Vous allez voir que cette invocation, elle renferme, comme on a dit, des sens et des enseignements qui sont immenses et inestimables, comme on va voir dans l'explication. Et donc, à quel moment le prophète Hassan disait et invoquait Allah par cette invocation ? Alors, il nous est rapporté, au début, on a un indice, hein, au début du récit, au début du hadith, où il nous est dit que le prophète ensemble le disait lorsqu'il se levait donc la nuit. C'est pour cela que cette invocation, c'est l'invocation lorsqu'on se lève la nuit. Et de ce fait, le prophète ensemble invoque Allah par cette invocation. Et remarquez bien ici que cette invocation donc, comme il nous est dit au début du récit, que le prophète ensemble la faisait lorsqu'il se réveillait donc. Lorsqu'il se levait de ce sommeil, alors le prophète ensemble invoque Allah Jalla wa Ala de cette manière. Et entre autres, certains savants ont stipulé que le prophète sallam utilisait cette invocation naram lorsqu'il se levait la nuit, mais pour la prière nocturne. Pour la prière nocturne, comme on l'a dit précédemment, le prophète sallam se levait donc la nuit pour la prière nocturne. Donc il consacrait et dédiait une partie de la nuit pour la prière. Et des savants nous enseignent et nous informent que le prophète ensemble invoquait de cette manière Allah Jalla wa Ala lorsqu'il allait prier, donc ce qu'on appelle at-tahajjud, la prière de la nuit nocturne s'appelle salat at-tahajjud. Donc lorsque le prophète sallam allait prier, il invoquait Allah de cette manière. C'est pour cela que on voit même que certains savants ont même stipulé que cette invocation, écoutez bien, que cette invocation fait partie des invocations, ce qu'on appelle Dua al-Istiftah, les invocations pour l'ouverture de la prière. Vous avez vu que lorsqu'on commence une prière, alors avant de faire ce qu'on appelle al-Istirada ou al-Basmala, avant de chercher protection auprès d'Allah contre le démon, contre le shaitan, le satan lapidé, et de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et de commencer surat al-Fatiha, on a une invocation qui s'appelle l'invocation d'ouverture, dua al-istiftah. Donc pour ouvrir ici, si vous voulez, la prière. Donc avant la récitation de al-Fatiha, de la première sourate, al-Fatiha, on fait ce qu'on appelle dua al-istiftah, on invoque Allah Jalla wa'ala par cette invocation. Certains savants, ils ont dit que cette invocation, c'est une invocation spécifique pour l'ouverture des prières de la nuit. Donc vous avez vu, c'est un point très important. C'est pour cela qu'on retrouve dans certains livres, certains savants, hein, certains spécialistes ont mentionné que le prophète sallam l'utilisait comme invocation pour l'ouverture de la prière nocturne, c'est-à-dire après le takbir. Après et takbir, lorsque le prophète sallam disait Allahu Akbar, il commençait donc cette prière, et ça c'est ce qu'on appelle takbirat al-ihram. Alors lorsqu'il débutait cette prière, il commençait par invoquer Allah avec cette invocation, par cette invocation d'ouverture. Par cette invocation d'ouverture. C'est pour cela que l'érudit Al-Hafidh mentionne cela de Ibn Khuzayma, le grand savant Ibn Khuzayma, qui est l'auteur justement d'un livre, hein, d'un livre par exemple, il est l'auteur de Kitab Tawhid, donc c'est un recueil de hadith aussi, avec une compilation de récits, et l'imam Ibn Khuzayma, il est rapporté que dans un de ses livres qui sont des recueils, des compilations de récits, il a rédigé un chapitre. Il a rédigé un chapitre en disant « Ad-dalil ala anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu hada al-tahmid ba'd an yukabbira thumma saqa al-hadith ». Il disait concernant la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait sa prière après le takbir par ces louanges-là, et il a mentionné ce hadith-là. Il a mentionné cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, certains savants ont bien stipulé que cette invocation, on peut la dire lorsqu'on va prier la nuit et lorsqu'on va commencer la prière. Et on peut donc l'utiliser en tant que dua al-istiftah, en tant qu'invocation d'ouverture, en tant qu'invocation d'ouverture. C'est pour cela que on voit que des savants la mentionnent pour le premier moment qu'on a mentionné, lorsqu'on se réveille la nuit, on dit cette invocation, puisqu'il est mentionné dans le récit que le prophète sallam disait cela lorsqu'on se réveille la nuit, mais aussi qu'on peut l'utiliser. C'est pour ça que certains savants ont été d'avis aussi qu'on utilise cette invocation comme dua istiftah, comme invocation d'ouverture à la prière, mais pas n'importe quelle prière, la prière nocturne, la prière de la nuit. Voilà, en bref, si vous voulez, deux situations et deux moments précis pour invoquer Allah Jalla Wala par cette invocation qui est immense, comme vous allez voir. Et ces enseignements sont inestimables, comme on va le voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Alors, lorsqu'on se réveille, premier moment, lorsqu'on se réveille la nuit pour prier, alors on peut invoquer Allah par cette invocation. Et aussi, certains savants stipulent un moment, certains savants sont d'avis de l'utiliser, comme on a dit précédemment, dua al-istiftah, comme invocation d'ouverture pour la prière de la nuit. Donc, deux moments mentionnés ici pour invoquer Allah Jalla Wala par cette invocation. Donc c'est des moments qui sont stipulés, hein, c'est des moments qui sont stipulés. Sinon il est bon d'invoquer Allah Jalla Wala par cette invocation. Mais par rapport, nous on détaille par rapport à ce qui nous est rapporté du prophète sallam et ce que les savants enseignent par rapport à ce moment bien précis. Puisque vous savez qu'il y a des invocations qui sont propices à certains moments, selon les circonstances et un certain moment de la journée. Pour ça, on a les invocations du matin, on a les invocations du soir, et pour d'autres circonstances et moments propices à certaines invocations. Cette invocation est importante pourquoi ? Parce que certains savants nous enseignent que la mort, comme vous savez plutôt le sommeil, le fait de dormir, les savants disent que c'est la petite mort. Donc c'est la petite mort. Et lorsque la personne donc s'endort et lui est demandé de s'endormir avec l'invocation, donc avant de dormir, il faut qu'il invoque Allah Jalla Wala. C'est pour cela que parmi les invocations liées aux circonstances, on a les invocations avant de dormir. C'est pour cela qu'il est toujours bon de revenir au livre qui rassemble, hein, ou qui a l'évocation de toutes ces invocations par rapport aux circonstances et par rapport au moment. Donc ce sont des invocations qui sont liées à des moments. En l'occurrence, de revenir à ces invocations avant de dormir. Donc avant de dormir, lorsqu'on s'apprête à dormir, il est bon, le prophète ensemble nous a enseigné d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Et parmi les raisons du fait que la personne n'a pas la certitude qu'il se réveillera de ce sommeil. Et pour cela, le sommeil est nommé la petite mort. La petite mort. Donc combien de gens, par exemple, sont morts dans leur sommeil ? Sont morts dans leur sommeil. Donc combien de gens, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, ensuite ils se sont préparés, ils se sont endormis, et avant de s'endormir, pour eux, ils avaient fait des projets, ils avaient peut-être parmi ces gens-là, certains ont même réglé un réveil, en pensant que le lendemain matin, ils allaient aller au travail, ou aller vaquer à une autre occupation. En tout cas, ils avaient des projets pour le lendemain. Ils devaient se réveiller et faire des choses, les choses de la vie. Eh bien, beaucoup d'entre eux ne sont jamais réveillés. Ils ne se sont jamais levés et réveillés de ce sommeil. C'est pour cela que des gens sont morts dans leur sommeil, et ça fait partie des causes de mortalité, que certaines personnes, lorsqu'ils s'endorment, ensuite ils se réveilleront plus. Donc imaginez-vous le choc, le choc de la personne qui s'endort avec des projets, et ensuite il va se réveiller dans un autre monde. Imaginez-vous, la personne se réveille dans la tombe. Il se réveille sous terre, dans sa tombe, alors que lui, à quelques moments, des instants avant, il était vivant. Il vivait sur terre. Il s'est endormi, il ne se réveillera plus jamais pour cette vie. C'est fini. Alors les gens ne savent pas. C'est pour cela que l'individu ne sait pas ce qu'Allah Jalla wa'ala lui a prédestiné. À quel moment il mourra, de quoi est-ce qu'il mourra, de quoi est-ce qu'il décédera, en quelle terre il décédera, on en a déjà parlé dans des allocutions précédentes. Donc lui, le croyant, c'est pour cela qu'il est prêt. Il doit tout le temps se préparer. Nous, l'importance ici, d'invoquer Allah Jalla wa'ala avant de dormir. Et donc, comme on a dit précédemment, donc il est bon d'invoquer Allah Jalla wa'ala avant de dormir, et il est bon de l'invoquer lorsqu'on se réveille. Donc si Allah Jalla wa'ala nous a donné vie, et on se réveille donc de ce sommeil, il est bon de l'invoquer. C'est pour cela que le prophète sallam nous a enseigné ce célèbre dua, cette célèbre invocation, le fait de dire lorsqu'on se réveille, Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Le fait de dire cela, donc tous les matins ou à chaque moment lorsque la personne se réveille, lorsqu'il se réveille d'un sommeil, alors le fait de dire Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah, si vous voulez une traduction relative de ce dua, de cette invocation, vous avez vu, c'est une invocation qui est courte. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'efforcer de la dire. Ceux qui la connaissent, ne pas oublier de se faire toujours le rappel, le fait de le dire. Parfois, il y a des choses, on en a la connaissance. Parfois, il y a des choses qu'on connaît. Et parfois, il y a des choses qu'on avait même l'habitude de faire dans les années précédentes, ou lorsqu'on était jeune, ou avant. Et parfois, on sombre dans l'oubli. Parfois, on oublie. Et parfois, on tombe dans des formes de routine et dans la distraction, dans l'insouciance. Et parfois, on omet de dire. Donc, c'est pour ça que le rappel, il est toujours profitable et bénéfique aux croyants. C'est pour ça, toujours se rappeler. Donc, ceux qui connaissent ce dua, ne pas oublier le matin lorsqu'on se réveille de dire cette invocation. Et ceux qui ne le connaissent pas, de s'efforcer, vraiment de se précipiter à aller apprendre ce dua, cette invocation qui est courte. Cette invocation qui est courte, le fait de lorsqu'on se réveille, donc ça c'est une autre invocation, ensuite on va revenir sur cette longue invocation qu'on est en train d'étudier, mais là c'est une autre invocation que le prophète Hassan nous apprend lorsqu'on se réveille, le fait de dire « Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur » Louange, une traduction latine, à celui qui nous a donné vie après, qui nous ait fait mourir, et à lui, vers lui plutôt, nous reviendrons. Vers lui se fera la résurrection. Et donc, dans cette invocation, on a une preuve que le sommeil est une mort. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallam, disait « Alhamdulillahi alladhi ahyani »« Louange Allah, celui qui m'a donné vie »« Ba'dama amatani » »« Après qu'il m'ait donné la mort » Et c'est pour cela, donc dans ce hadith, on a une preuve que le sommeil est une forme de mort. C'est pour ça que les savants l'appellent la petite mort. Et ça, c'est un enseignement et c'est un rappel qui est très très important, très important. Même en journée de jeûne et en mois du Ramadan, la personne doit toujours s'efforcer à faire ces invocations-là, surtout avant de dormir. Pourquoi? Parce que la personne jeûne les premiers jours du ramadan, il ne sait pas s'il va être vivant tout le ramadan. Et lorsque la personne va s'endormir, il fait son projet de se réveiller pour As-Sahur, par exemple, pour le repas avant le lever de l'aube. Et le prophète a exhorté à cela, de faire ce repas-là. Donc avant le lever de l'aube, avant la prière du Fajr, c'est un projet, mais la personne ne sait pas réellement et véritablement est-ce qu'il va se réveiller. Est-ce qu'il va se réveiller? Donc l'importance de, ensuite, premièrement, d'invoquer Allah avant de dormir, et secondo, lorsqu'on se réveille, dire cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous réveillez, vous vous rendez compte qu'Allah Jalla Wa'ala vous a donné vie, donc ça c'est un grand bienfait. Donc Allah Jalla Wa'ala vous a donné vie. Vous êtes réveillé de ce sommeil. Donc vous avez encore du temps pour œuvrer. Et donc ça fait partie des plus grands bienfaits. Des plus grands bienfaits, le fait d'avoir encore du temps, Allah nous donne vie avec l'iman, avec la foi, pour pouvoir encore avoir du temps, pour pouvoir œuvrer. Pour pouvoir œuvrer. Le prophète, dans un hadith, lorsqu'on lui a demandé au sujet de meilleur des hommes, le prophète a décrit le meilleur des hommes, celui qui a vraiment une opportunité, cet homme, meilleur des hommes, man tala umru wa hasuna amalu. C'est celui dont Allah Jalla Wa'ala a donné longue vie avec des bonnes actions. Avec des bonnes actions. Et celui qui œuvre bien, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui dont Allah Jalla Wa'ala a donné longue vie dans son obéissance, ça fait partie des bienfaits. C'est un bienfait qui est inestimable. Et donc il faut remercier Allah pour cela. Donc lorsqu'on se réveille, c'est pour ça qu'on dit « Oh Seigneur, louange à toi ». On le loue pour nous avoir redonner vie. Et cet enseignement du prophète, le fait de se réveiller, et la première chose qu'on fait, c'est le rappel d'Allah. Vous avez vu, la première chose, on se réveille, les premières paroles qu'on a, au bout de la langue, c'est quoi? C'est dhikr. Dhikr. Ce qu'on appelle, on peut rappeler ça de l'invocation, de l'évocation d'Allah, ou bien du rappel. Regardez, la première chose que le croyant a, parmi la bonne éthique et le bon comportement, la bonne éthique, c'est quoi? Le fait d'invoquer Allah Jalla Wa'ala. La première chose qu'il a au bout de la langue, c'est le rappel d'Allah. Ala bi dhikrillah tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc vous avez vu, dès le départ, la personne, il commence, se réveille, il commence cette journée avec ce qui procure l'apaisement du cœur. L'apaisement du cœur. Donc ça fait partie des bienfaits, des enseignements du prophète. Le fait que lorsqu'on se réveille, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on commence déjà avec une chose qui apaise et qui adoucisse le cœur. En l'occurrence, là, on a une autre invocation. Donc là, j'ai fait juste un bref rappel ici en ce qui concerne cette petite invocation qu'on dit lorsqu'on se réveille. Mais maintenant, on a une autre invocation lorsqu'on se réveille. C'est une invocation plus précise et particulière dans le sens que cette invocation qu'on est en train d'étudier, celle qui est plus longue, celle qu'a évoqué l'imam al-Bukhari ici, c'est l'invocation lorsque le prophète sallam se levait pour prier la nuit, on a dit. Lorsque le prophète sallam se levait pour prier la nuit. Donc, il se levait en pleine nuit. Donc ça, c'est cette invocation. De ce fait, c'est pour ça qu'on a dit précédemment que certains savants ont dit qu'elle fait partie de l'invocation de l'ouverture de la prière. Donc, dans cette invocation, lorsqu'on se réveille la nuit pour prier Allah Jalla Wa'ala, donc on invoque de cette manière, comme le prophète Sam nous l'a enseigné. Donc c'est le dua qu'on est en train d'étudier. Et ce dua est très important. Il renferme des enseignements immenses et inestimables, tellement que ces enseignements sont inestimables et tellement que cette invocation, ça fait partie des invocations qui sont grandioses. Alors certains savants ont même considéré que cette invocation يعد متنا جامعا في الاعتقاد والتوحيد والايمان وقواعد الشريعه. Et certains savants, comme l'a évoqué, l'a stipulé un savant contemporain qui est enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, le fils du grand savant al-Muhaddith, Cheikh Abd al-Mohsin al-Abbad. Alors Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, il a dit une très belle parole, parce que lui-même a commenté ce hadith, il l'a expliqué. Il dit que ce hadith-là, cette invocation-là, on pourrait la considérer comme un épître, comme risala, comme un épître qu'on étudie, un matn si vous voulez, un écrit qui renferme, regardez ce qu'il dit, hein, qui renferme la croyance, le tawhid, l'iman, la foi, les règles de la législation islamique. Il veut sous-entendre ici que ce dua, cette invocation, vous allez voir, lorsqu'on va essayer de l'étudier, hein, de comprendre les sens renfermés dans cette invocation, vous allez voir qu'elle renferme aussi bien le tawhid, il y a du tawhid, l'iman, la foi, l'explication de l'iman, l'explication de la foi, et tawhid, ou l'i'tiqad, la croyance, ou qawa'id, al-shari'a. Il y a des usul, il y a des bases fondamentales et essentielles qui sont comprises et renfermées dans cette invocation. C'est pour cela qu'il dit que cette invocation, on pourrait la considérer comme une sorte de matn, une sorte d'écrit, une sorte d'épître qui renferme le tawhid, l'unicité d'Allah, qui renferme la croyance, et atiqad ahl sunnah, la croyance, ou l'iman. Et ça, c'est une parole qui est vraiment lourde de sens. Et de ce fait, parmi ce qui nous a été dit par rapport à cette invocation, que celui donc, on comprend, que celui dont Allah Jalla wa'ala accorde la réussite, celui dont Allah acquis a facilité le fait de, par exemple, de se réveiller la nuit et de dire cette invocation, c'est-à-dire il se réveille la nuit et lui, il se remémore cette invocation et il dit cette invocation, parmi les bonnes choses à cela, si on a compris que cette invocation renferme aussi bien l'unicité, ou l'iman, ou le mu'taqad, etc., parmi les choses qu'on a évoquées, alors de ce fait, c'est comme si qu'il revifie son iman et sa foi. Par cette invocation-là, le croyant, s'il se réveille en pleine nuit, il dit cette invocation, il peut revivifier ce qu'on appelle tajdid. Tajdid, c'est le fait de revivifier, renouveler, si vous voulez, son iman et sa foi. Alors que, vous savez, la foi de la personne, hein, le terme iman, on traduit par la foi, mais comme on l'a dit maintes fois, c'est plus vaste. Mais les gens comprennent beaucoup ce terme-là, parfois, donc on reste sur ce terme-là. La foi, vous savez, c'est quelque chose qu'il faut renouveler. C'est quelque chose qu'il faut revivifier. Et cela constamment. Et bien, le fait d'invoquer, lorsqu'on se réveille, par exemple, la nuit, par cette invocation, et bien, de ce fait, on peut revivifier et renouveler la foi. De là, maintenant, peut-être une question va vous passer à l'esprit. Et une question peut passer à l'esprit de se dire, mais comment revivifier la foi, renouveler la foi, mais pourquoi et qu'est-ce qui prouve qu'il faillirait revivifier ou bien renouveler la foi? Eh bien, sachez qu'il y a un hadith du prophète, justement. Il y a un hadith du prophète qui est célèbre, un hadith célèbre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que la foi, c'est quelque chose qui s'abîme. C'est quelque chose qui peut s'user. Et même dans ce récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a comparé à un vêtement. Un vêtement qui s'abîme ou bien qui s'use. Regardez dans un hadith, c'est un hadith qui a rapporté un compagnon qui était Abdallah ibn Amr. Le compagnon Abdallah ibn Amr a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna al-iman la yakhluqa fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb kama yakhluqu ath-thawb inna al-iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fas'alu Allah ta'ala an yujaddid al-iman fi qulubikum an yujaddid al-iman fi qulubikum wa hadha al-hadith صححه الإمام العلامة الألباني رحمه الله. Donc dans ce hadith que je viens de vous lire, il y a un hadith du prophète en sallam où le prophète dit إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. لا يخلق, ici le terme لا يخلق, on pourrait le traduire par certes la foi s'use, le fait de s'user, le fait de s'abîmer. Si vous voulez. Donc le prophète, en salam, nous dit « Inna l'iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum ». Donc la foi, le prophète Sam nous dit, s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Et le prophète dit ensuite, fas'alullaha ta'ala. Donc implorez Allah, demandez-lui, an yujaddid al-iman fi qulubikum, qu'il vous revifie votre foi dans votre cœur. Regardez, je vous répète ce hadith qui est immense, où le prophète sallam nous apprend, nous dit, certes la foi s'use ou s'imbibe dans le fond interne, hein, intérieur de la personne, il est dit, fijo fi ahadikum, dans le cœur de la personne, si vous voulez, comme le vêtement s'use. Alors demandez à Allah Jalla wa'ala de vous revivifier plutôt, de vous renouveler, si vous voulez, votre foi dans le cœur. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ذكر التجديد قال فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Donc vous avez vu le terme dans le hadith التجديد أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Donc le prophète l'a dit d'une manière claire, demandez à Allah, implorez à Allah qu'il revifie, qu'il renouvelle votre iman en quelque sorte. C'est de cette manière que je traduis التجديد أن يجدد الإيمان. Qu'il revifie votre foi dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc on comprend que la personne, comme un vêtement, vous avez vu, un vêtement lorsqu'on l'utilise souvent, les savants nous expliquent, hein, ils disent que le prophète, ensemble, il a comparé donc l'hymen de la personne à un vêtement. Et il nous explique que vous avez vu un vêtement que vous utilisez souvent. Donc un vêtement que vous allez souvent utiliser, alors, à un moment donné, il va commencer à s'abîmer. Il va commencer à s'user. Et donc, c'est pour cela que ce vêtement, eh ben, le fait qu'il s'use et qu'il s'abîme, il a besoin ensuite de toujours prendre soin de ce vêtement, de le nettoyer et autres. De même, elle iman, si la personne ne prend pas soin et n'est pas attentif à cela, son iman peut en quelque sorte s'user. C'est pour cela que il faut faire très attention, on avait fait souvent maintes rappels sur cela, faire attention que l'iman ne disparaisse pas du cœur d'une personne, alors qu'il avait l'iman dans son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur commence à tomber malade, un cœur lorsqu'on n'est pas attentif, et on est distrait, et on laisse le cœur alors qu'il tombe malade, à cause de beaucoup de facteurs, à cause des désobéissances, à cause des péchés, à cause de beaucoup de choses. Donc ça, c'est un autre sujet. Peut-être dans une autre allocution, on parlera, Inch'Allah, des causes des maladies des cœurs. Pourquoi? Parce que le cœur peut tomber malade et les cœurs tombent malades. Et il y a des causes, justement, qui sont facteurs des maladies des cœurs. Ce sont les causes, ce qu'on appelle des maladies des cœurs. Et donc, c'est pour cela que le cœur, il faut toujours être attentif. Donc, il y a différentes causes. Il faut toujours être conscient, il faut toujours être éveillé, et lorsque la personne voit que son cœur tombe malade, donc il faut y remédier. Et de ce fait, ce cœur qui tombe malade, la personne qui remédie pas, qui ne trouve pas le remède à cela, ensuite son cœur peut mourir. Et ce cœur, par exemple, qui avait du hymen, ce hymen peut disparaître de ce cœur. C'est pour ça qu'il faut, être très vigilant, être prudent sur cela. Alors lui, le croyant, toujours le croyant, il fait les causes pour revivifier le iman, la foi qu'il y a dans son cœur. C'est pour cela que beaucoup de gens se plaignent souvent de la baisse de la foi. Ils disent, oh, en ce moment, j'arrive pas à faire mes prières, par exemple, à l'heure. En ce moment, je n'arrive pas à faire ça. En ce moment, cette personne, il se trouve paresseux. Il se trouve lourd lorsqu'il va accomplir des adorations ou autre. Donc, il ressent qu'en ce moment, il est dans une période où il a une baisse de foi, comme ils disent. Et ça fait partie de la croyance du musulman. La croyance du musulman de reconnaître, naram, effectivement, que la foi augmente et la foi baisse et diminue. Elle peut augmenter. Et donc, pour l'augmentation de la foi, il faut les actes d'obéissance. Plus on obéit à Allah, plus on est dans l'adoration d'Allah, plus vous allez voir votre foi se décupler et votre foi s'intensifier et augmenter. Et plus on désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus la foi diminue. C'est pour cela qu'aussi, il y a des causes, il y a des facteurs pour la diminution de la foi. Et ça, on pourra en discuter dans d'autres allocutions, de manière, dans une autre allocution, Inch'Allah. Donc, parmi les causes, justement, de la baisse de la foi, parmi les facteurs, il y a les péchés, les désobéissances. Parmi les facteurs aussi que les savants nous disent, par exemple, l'attachement excessif pour les choses matérielles. Ça fait partie des causes de l'affaiblissement de la foi. Lorsqu'une personne, par exemple, il a cet attachement excessif. Il est trop attaché aux biens et aux choses matérielles. Et bien, cet attachement excessif aux biens matériels, cet attachement qui peut faire de lui ensuite un matérialiste, et bien ça peut être une cause de l'affaiblissement de la foi. Donc, qu'est-ce qui incombe? Qu'est-ce qui nous incombe à nous? Eh bien, toujours revivifier cette foi. C'est ça qu'il faut comprendre à travers le récit du prophète. Lorsque le prophète ensemble disait, demandez à Allah Jalawarlin qu'il renouvelle l'iman. Donc nous, c'est pour cela que le musulman doit s'efforcer toujours de faire les causes pour l'augmentation de l'iman. Regardez par exemple, le mois du Ramadan, le fait d'ouvrir le livre d'Allah, ça fait partie des causes pour que l'iman augmente, pour que la foi augmente et s'intensifie dans le cœur du croyant. Le fait d'écouter du rappel, comme on est en train de faire, le fait d'écouter les hadiths du prophète, d'écouter les exhortations du prophète, d'écouter les invocations, d'essayer de les comprendre et de comprendre les informations et les enseignements que renferment ces invocations et ces enseignements du prophète, ça fait partie des causes, puisque ça fait partie du rappel. Ça fait partie donc des causes pour que la foi augmente. Vous avez vu les cercles de science, les assises, le fait d'apprendre la religion, le fait d'écouter le Coran, le fait d'écouter la sunna du prophète, ensemble, le fait de la mettre en pratique. Tout ça, c'est des causes pour augmenter l'iman. Et donc, parmi les causes et les excellentes causes pour revivifier, les savants nous disent, l'iman, et en l'occurrence, Cheikh Abdelrazak El-Abed, qu'on a cité précédemment, parmi les causes pour revivifier cet hymen, justement, lorsque la personne se réveille la nuit, il invoque Allah par cette invocation qu'on est en train d'étudier. Et bien ça fait partie des causes pour revivifier le hymen. Regardez lui-même, observez, ouvrez par exemple l'authentique de l'imam al-Bukhari. Si vous ouvrez l'authentique de l'imam al-Bukhari, vous allez voir qu'il a commencé avec le chapitre de la révélation. Ensuite, il commence avec le chapitre ensuite, le deuxième chapitre de son authentique, c'est Bab al-Iman. C'est plutôt Kitab al-Iman, le livre de l'Iman. Donc nous, vous avez vu, on est dans l'étude de Kitab al-Tawhid. Ça, c'est le chapitre par lequel il a conclu son authentique. Mais regardez, le deuxième chapitre, c'est Kitab al-Iman. C'est le chapitre de l'Iman. Donc il va commencer ce livre, on l'avait déjà dit dans d'autres allocutions, par le livre de la révélation, du début plutôt, de la révélation et le livre de l'Iman. Regardez parmi ce qu'il va mentionner. Parmi ce qu'il va mentionner, l'imam al-Bukhari au début, il va dire Bab qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam ala khams. Chapitre, donc il commence le livre de l'iman, il va dire chapitre concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'islam est bâti sur cinq. Que l'islam est bâti sur cinq. Ensuite, qala al-imam al-Bukhari, l'imam lui-même al-Bukhari, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire wa huwa qawlun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Il va dire et certes, c'est une parole, action qui augmente et qui diminue. Il parle de la foi. Regardez, l'imam al-Bukhari à son époque, hein, déjà dans les premiers siècles, ce grand imam, parmi les plus grandes références de la nation musulmane, regardez lui-même ce qu'il disait. Il disait donc la foi, donc c'est ce qu'il y a dans le cœur. Aussi, la parole fait partie de la foi, l'action fait partie de la foi, et cette foi-là peut augmenter comme elle peut diminuer. Ensuite, il va mentionner des textes à cela, jusqu'à regarder, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Il va rapporter un athar, une parole du célèbre compagnon Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Et là, il ne va pas mentionner n'importe quel compagnon, il mentionne Mu'ad ibn Jabal. C'est ce compagnon qui était célèbre pour sa science et son savoir et ses sagesses. Et c'est lui dont le prophète sallam avait envoyé au Yémen pour rappeler les gens du livre à la parole La ilaha illallah et à l'islam, à la religion tout simplement. Et donc, Mu'ad ibn Jabal, c'était celui qui était le plus connaisseur en ce qui concernant les questions du halal et du haram. Et l'imam Bukhari va rapporter cette parole de Mu'ad ibn Jabal, où Mu'ad dit « Ijlis bina nu'min sa'a »« Ijlis bina nu'min sa'a »« Ijlis bina nu'min sa'a » Littéralement, si je vous traduis cette parole de Mu'ad ibn Jabal, c'est « Assis-toi avec nous que l'on croit pendant 1 heure » Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait de qu'on fasse une action de foi. Dans le sens qu'on fasse une action de foi, yani qu'on revivifie, qu'on renouvelle notre iman. Donc regardez de ce compagnon, regardez la profonde connaissance qu'ils avaient au niveau de l'iman. Il disait « Ijlis bina » pour ça l'imam al-Bukhari, regardez, il rapporte cela dans le livre de l'iman. Le compagnon disait « Ijlis bina nu'min sa'a »« Assis-toi avec moi que nous croyons qu'on est l'iman pendant sa'a, pendant 1 heure ». Ça, c'est la traduction littérale. Ce qu'il faut comprendre de cette parole, dans le sens qu'on revivifie la foi. qu'on ait véritablement l'iman. Pourquoi? Parce que c'est avec l'évocation d'Allah, le fait de se rappeler Allah, Jalla wa'ala, que donc la foi s'intensifie. Et c'est pour cela que ensuite, après que l'imam Bukhari ait mentionné la parole de Mu'ad ibn Jabal, il va tout de suite mentionner la parole de Abdallah ibn Mas'ud, d'un autre grand compagnon, parmi les savants, parmi les grands compagnons, qui disait « El yaqinu l'imanu kullu »« El yaqinu ou al-imanu kullu » El yaqin, el iman kullu, la certitude, c'est la foi tout entière. Regardez, Abdallah ibn Mas'ud, il disait, el yaqin, la certitude, c'est l'iman tout entière. Le fait d'être, d'avoir el yaqin. Et donc, ça, c'est des passages, en l'occurrence, ce passage de Mu'ad ibn Jabal, vraiment, on comprend que el iman se renouvelle et se revifie. Donc voilà, tout ça, c'était pour qu'on se rende compte de l'importance de l'invocation. Donc en parlant, on avait commencé à dire le moment propice pour cette invocation. À quel moment le prophète, sallam, invoquait Allah par cette invocation. L'importance, on a parlé de l'importance de cette invocation, et donc celui qui se réveille et qui invoque Allah, jalla wa'ala, par cette invocation, on a parlé du mérite, et de ce fait, il peut revivifier et renouveler son iman par cette invocation. Maintenant, on va essayer de comprendre plus en profondeur la vocation, l'essence. Et Cheikh Ibrahim Thaymine va nous expliquer. Donc le prophète Hassan commençait cette invocation en disant « Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard »« Ô Seigneur, à toi appartient la louange, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. » Premièrement, Cheikh Ibrahim Thaymine va nous expliquer qu'est-ce que la louange. Qu'est-ce que la louange? Donc, religieusement, lorsque on dit « nous louons Allah », on fait ce qu'on appelle « alhamd », on dit « alhamdulillah ». « Alhamdulillah », c'est le fait de faire les louanges. Et donc, quel est le sens, quelle est la définition des louanges? Et Cheikh Ibn Athaymin, il va nous dire que « alhamd huwa », la définition, c'est « huwa wasful mahmoud bil kamali ma'al hubbi wa ta'zim ». Qu'est-ce que la louange? Donc, pour ceux qui veulent vraiment savoir, hein, d'une manière plus précise, qu'est-ce que la louange religieusement, l'une des définitions données que mentionne Cheikh Ibrahim Thaymine, c'est dit huwa al-wasf wasful mahmoud bil kamali ma al-hubbi wa ta'zim. Donc c'est la description du loué, lorsqu'on dit le loué, c'est-à-dire celui qu'on loue, bil kamal. Donc c'est la description de celui qu'on loue, du loué, par la perfection, avec al-hubbi wa ta'zim, avec l'amour et vénération, une traduction relative. Donc, qu'est-ce que la louange? Louer Allah, Jalla wa'ala, c'est qu'il soit décrit, subhanahu wa ta'ala, par la perfection avec l'amour et la vénération. L'amour et la vénération. Et il dit lorsque, Cheikh Ibrahim Thaymine va rajouter une précision, il dit lorsque cette louange-là, lorsque cette description par la perfection mêlée d'amour et de vénération se répète, donc lorsque cela se répète, cette description, ce qu'on appelle « wasf bil kamal », ça s'appelle ensuite « thana », « thana », ça s'appelle l'éloge. Donc ensuite, on rentre dans l'éloge. Donc regardez, il dit « shir », lorsque Rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il dit lorsqu'ensuite l'wasf bil kamal se répète, et lorsque c'est répétitif, il dit summiya hadha thana'an, ça s'appelle ensuite thana. Thana en arabe, c'est ce qu'on pourrait traduire de manière relative, l'éloge. La preuve à cela, il dit hadha qawluhu ta'ala fil hadith al qudsi, la preuve en cela réside dans un hadith divin où que le prophète Hassan nous dit qu'Allah Jalla wa'ala a dit que lorsque le serviteur dit, إذا قال العبد, vous avez vu dans la prière, lorsque le serviteur, il va lire Surat al-Fatiha, la première surat, Surat al-Fatiha. Donc il va dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque le serviteur, justement, il va dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le verset dans Surat al-Fatiha, Allah dit, Allah répond, Hamadani abdi, Hamidani plutôt, Hamidani abdi. Donc Allah Jalla wa'ala va répondre, m'a fait les louanges, mon serviteur a fait mes louanges, si vous voulez. Mon serviteur a fait mes louanges. Ensuite, Lorsque le serviteur va dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah dit Athna alayya abdi, Athna alayya abdi. Et là, le Seigneur dit mon serviteur m'a fait les éloges. Mon serviteur m'a fait les éloges. Donc regardez, vous commencez le Fatiha en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange Allah, le Seigneur de l'univers. Allah dit mon serviteur m'a fait l'éloge. Et lorsqu'ensuite on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, alors Allah Jalla wa Ala dit mon serviteur m'a fait les éloges. Donc la première c'était les louanges, mon serviteur m'a fait les louanges. Et là ensuite, il dit Allah Jalla wa Ala, mon serviteur m'a fait les éloges. C'est pour cela que certains savants, puisque vous avez vu, dans ce hadith divin, il y a une sorte de dialogue. Lorsque vous dites Al-Fatiha, lorsque vous dites ces versets, Allah répond. Par exemple, lorsque, comme nous évoque Cheikh ici, lorsqu'on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, donc Allah Jalla wa Ala dit, mon serviteur m'a fait les éloges. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit, lorsqu'un serviteur veut dialoguer avec Allah Jalla wa Ala, alors que lorsqu'il est en prière, il lit Al-Fatiha. Lorsqu'il est en prière, qu'il lise Al-Fatiha. Donc vous avez pu constater qu'ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, il fait allusion à ce hadith divin où lorsqu'on récite les versets de Surat Al-Fatiha, Allah Jalla wa Ala répond. En l'occurrence ici, il va pas tout citer le hadith, donc lui il fait allusion à une partie du récit. En l'occurrence, la partie lorsqu'on dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Pourquoi ? Parce que lui, il veut justement nous expliquer cet enseignement. Cet enseignement qu'on a cité précédemment. Le fait qu'ensuite, cette louange-là devient athana. Puisque la louange, c'est la description de celui qu'on loue par la perfection. Avec amour, on a dit, et vénération. Une traduction relative. Hein. Alors, il dit, lorsque cela est répété, ensuite, ça devient du thana. En l'occurrence, l'élément illustrant ici, à travers ce récit, c'est que lorsqu'on dit louange Allah, le Seigneur de l'univers, lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors Allah Jalla wa Ala dit mon serviteur m'a fait les louanges. Ensuite, lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, et on continue hein, en disant le tout miséricordieux, le très miséricordieux, une traduction approximative, alors là Allah dit mon serviteur m'a fait les éloges. Et donc là, Cheikh Ibn Uthaymeen se base sur ça pour dire que lorsque l'éloge, elle est répétée ensuite, lorsque cette description de perfection avec amour et vénération, elle est répétée, alors il dit ensuite, ça devient ce qu'on appelle en arabe « athana », ce qu'on traduit de manière relative, l'éloge. Vous avez vu, c'est un élément subtil que précise Cheikh Ibn Uthaymeen. Ensuite, il va continuer dans l'explication. Donc le prophète commence dans cette invocation, lorsqu'il se réveille la nuit, il dit « Allahumma lakal hamd, au Seigneur à toi là, la louange, anta rabbus samawati wal ard. Et certes, tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Et le Seigneur des cieux et de la terre, sabaqa anna ma'na rububiyya yadur ala thalath ashiya. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer un élément très important, la base, hein, si vous voulez. C'est la base, c'est ce qui est essentiel dans la croyance en la seigneurie. Sachez que la seigneurie tourne autour de trois choses. La seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle tourne autour de trois choses. Et donc, il va citer ces trois choses. Donc, il dit, premièrement, Al-Khalq wal-Mulk wal-Tadbir. Donc, c'est la création, la royauté et la gérance. Donc, la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit la seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, est le Seigneur. Qu'est-ce que cela implique qu'il soit le Seigneur? Ça implique qu'Allah, Jalla wa Ala, détient, il est le détenteur des particularités, des différentes particularités de la seigneurie. En l'occurrence, qu'Allah, Jalla wa Ala, est donc le créateur, qu'Allah est celui qui donne la vie et la mort, qu'Allah est le grand dispensateur de la subsistance, Allah est celui qui octroie la subsistance à ses serviteurs, Allah est celui qui régit. Il est le régisseur de cet univers, subhanahu wa ta'ala, celui qui gère et administre cet univers. Allah est celui qui connaît la science de l'inconnu et de l'invisible, qui a les clés de tous les mystères, subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, ça c'est des exemples de particularités de la seigneurie. Donc ça fait partie de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, et autres, hein, tout ce qu'on vient de dire, parce que le fait qu'aussi qu'Allah soit le législateur, qu'Allah est celui qui est légiféré, ça fait partie de sa seigneurie aussi. Et pour résumer tout ce qu'on a mentionné parmi les particularités, sachez donc cette seigneurie, la seigneurie d'Allah Jalla wa Ala, tourne autour donc de trois choses. La création, qu'Allah est le créateur de toutes choses. El-Mulk, qu'Allah est le roi, le souverain, celui qui est détenteur de cette royauté, qui a le pouvoir absolu et la royauté, la souveraineté absolue. Et ça, vu l'importance, vous avez vu, on l'a étudié dans des chapitres, dans l'étude de chapitres précédents. Donc, vous avez vu, c'est pas en vain que l'imam Bukhari avait mentionné cela dans des chapitres, dans les premiers chapitres de son livre. Et on a donc parlé de la souveraineté, du pouvoir absolu et de la royauté absolue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, et-tadbir, c'est le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, est le régisseur. Et celui qui régit cet univers, le fait qu'il est celui qui administre et gère cet univers. Donc, en d'autres termes, tout simplement, notez bien cela, prenez bien cela, que la seigneurie d'Allah tourne autour de ces trois choses. Al-khalq ou al-mulk, ou al-tadbir, plutôt, là, création, la royauté et là, l'administration, si vous voulez, ou la gérance. Et ensuite, Shir va nous dire wa jama'a as-samawat bi'atibar al-'adad wa afrada al-ard bi'atibar al-jins. Ensuite, il va faire une réflexion précise et subtile ici. Il va dire on voit ensuite le prophète dans l'invocation, après qu'il ait dit ô Seigneur, louange à toi, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. Il dit, le prophète, donc il dit Seigneur des cieux. Donc il a cité les cieux au pluriel, et par contre la terre, il l'a cité au singulier. C'est pour ça qu'on traduit comme cela d'une manière littérale. Seigneur, le prophète a dit Seigneur des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. Et donc là, il n'a pas cité les cieux au pluriel et la terre au pluriel, mais il a seulement cité les cieux au pluriel en disant des cieux et de la terre. Alors il dit pourquoi ? Premièrement, la raison est dit, par considération, il a considéré le nombre, c'est-à-dire Jama' al-Samawat, bi'atibar al-Adad. Lorsque le prophète a cité les cieux, donc là le prophète, il a considéré, sa considération était liée au nombre des cieux. Et vous savez, le nombre des cieux est de 7. C'est pour ça qu'on dit les 7 cieux. Donc, ce qu'a considéré le prophète, sallam, c'est le nombre. C'est pour ça qu'il a dit « As-samawat ». Donc, l'aspect considéré ici, « Bi'atibar al-adad ». « Wa afrad al-ard ». Et par contre, la terre, il l'a cité de manière singulière. Pourquoi ? Parce qu'il a considéré la nature de la terre, c'est-à-dire la terre en elle-même. Il a considéré ici, il fait allusion à la terre en elle-même, c'est pour cela qu'il l'a Cheikh Ibn Uthaymeen dit que ça a été cité au singulier. Et lorsqu'on dit les sept cieux, ça c'est prouvé dans des versets, par exemple dans la sourate croyant le Mu'minun, le verset 86, où Allah dit قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône, du noble trône. Et donc, dans ce verset, on voit qu'il y a la mention claire. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ dit qui est le Seigneur des sept cieux. Il dit en ce qui concerne أَمَّا الْأَرْضِ فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا سَبْعَ par contre, il dit, en ce qui concerne la terre, il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans le Coran un verset clair qui stipule les sept terres. Comme il a été dit pour les cieux. Donc regardez là, maintenant Cheikh Ibn Uthaymeen va traiter la question concernant le nombre des terres. Est-ce que on dit qu'il y a sept terres comme pour les cieux, lorsqu'on dit « As-samawat sab'a » les sept cieux. Donc en ce qui concerne les sept cieux, ça c'est évoqué, hein, c'est mentionné d'une manière claire, hein, explicite, dans le verset qu'on vient de citer. Par contre, il dit en ce qui concerne la terre, les sept terres, ce n'est pas mentionné dans le Coran d'une manière explicite. D'une manière explicite. Par contre, il dit que cela, on le déduit. Et on peut le comprendre. Parce qu'il dit, لَكِنْ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِثْلٍ. Donc, on pourrait le comprendre d'une manière implicite, si vous voulez. Il y a, par exemple, il va mentionner un verset, dans la sourate le divorce, sourate At-Talaq, le verset 12. Le verset 12, où Allah Jalla wa'ala dit que dans, ou plutôt, Shamr Athmin dit que dans ce verset, il y a une indication qui prouve que le nombre de terres est équivalent au nombre des cieux, est équivalent et semblable au nombre des cieux. Et c'est la parole d'Allah lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit dans le verset 12, sourate At-Talaq, Allah alladhi khalaqa sab'a samawat min al-ard mithlahun. Regardez ce qu'il dit. Allah alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ard mithlahun. Allah est celui qui a créé les sept cieux, wa min al-ard mithlahun, et de la terre la même chose. On pourra traduire aussi du Allah est celui qui a créé les sept cieux et on a fait autant pour la terre. On a fait autant pour la terre. Donc, dans ce verset, on peut nettement constater que Allah Jalla wa'ala n'a pas cité les sept terres comme il l'a cité pour les cieux. Allah alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah est celui qui a créé les sept terres. Wa min al-ardi mithlahun. Et pour la terre, aussi l'équivalent. C'est-à-dire, Shamr Athamin dit ce qu'il faut comprendre, c'est le terme al-mumathala, puisqu'il est dit mithlahun. Le terme est autant pour la terre, c'est ce qu'on traduit hein, dans le terme mithlahun. Le terme mithlahun qui est mentionné dans le verset, on traduit est autant pour la terre, c'est-à-dire al-mumathala. Al-mumathala, huna, le terme en arabe, hein, il dit huna la yumkin an tata'atta ila fil adad. Amma fil kayfiyati wal al-jahm wal hajm. أما في الكيفية والحجم والعظمة فلا تماثل بين السماء والأرض فتعين أن يكون المراد بمثلهن أي في العدد والسنة صريحة في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين من سبع أراضين. Et donc cher Dim, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on dit « et autant pour la terre », donc c'est le terme « al-mumathala », il dit, lorsqu'il est dit « autant pour la terre », de la même chose, et la même chose pour la terre, cette même chose-là ne peut venir que pour le nombre, il dit. Lorsqu'il est cité qu'Allah est celui qui a créé les sept cieux, et autant pour la terre, il dit « ça ne peut venir que pour le nombre ». Donc il dit « c'est le nombre qui est sous-entendu ici ». Il dit « pourquoi ?» Parce qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle amma fil kayfiyati wal hajmi wal azamati fala tamathul bayna as-samai wal ard fa ta'ayyana an yakuna al murad bimithlihin ay fil adadi wa sunnah sarihatun fi dhalik. Pourquoi? Parce qu'il dit en ce qui concerne la manière que les cieux ont été créés, ou bien en ce qui concerne la dimension, ou bien en ce qui concerne la grandeur, alors il n'y a pas d'équivalence et de ressemblance entre la terre et les cieux. Donc il dit, lorsque dans le verset il est dit « et autant pour la terre » ou bien « de la même manière pour la terre », il dit ce qui est sous-entendu, ça ne peut pas être la dimension, par exemple, des cieux et de la terre serait équivalente. Il dit non, puisque ce n'est pas la même dimension. Il dit c'est pas la manière, ce n'est pas... Ensuite, il dit la grandeur, « ravama », si on peut traduire de la sorte, qui est sous-entendu, mais il dit ça peut être que le nombre. Et il dit, de ce fait... Il y a justement dans la sunna du prophète ensemble ce qui confirme cela. Ce qui confirme cela lorsqu'il va mentionner le hadith man qata'a shibran min al-ard dhulman tawaqahu Allahu iyyah yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Donc là Shamr Athaymin, il fait allusion justement à un hadith. Il fait allusion à un hadith où il y a la mention des sept terres comme je l'ai dit précédemment, où il nous a rapporté dans un récit où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde de s'approprier injustement la terre d'un autre. Et c'est pour ça que dans un récit, il nous est rapporté qu'un jour, Aïcha, des gens étaient venus à elle alors qu'ils se disputaient pour un terrain. Donc des gens étaient venus à Aïcha, l'épouse du prophète, en sallam, alors qu'ils étaient en train de se disputer pour un terrain. Ensuite, il est rapporté que Aïcha s'est adressée à l'un d'entre eux en lui disant « Ne prends aucune terre injustement. Ne t'accapare d'aucune terre injustement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque s'approprie injustement, ne serait-ce qu'un empan de terre, se verra suspendu autour du cou au jour de la résurrection, son étendue prise dans les sept terres. Son étendue prise dans les sept terres. Donc ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans le livre de l'oppression. Dans le livre de l'oppression. Et on a d'autres récits aussi. On a d'autres récits. Il est dit dans... On a une riwaya, une version, quiconque s'approprie justement une parcelle de terre sera précipité au fond des sept terres au jour de la résurrection. Donc, le premier hadith qu'a mentionné lui, Shamra Semin, à laquelle il a fait allusion, eh ben, ce hadith, vous avez vu, il y a la mention claire, hein, explicite, des sept terres. La mention des sept terres. Et lui, c'est ce que veut faire montrer ici, Shamra Semin, dans le commentaire, pour prouver qu'il y a autant de terres que de cieux. Wallahu a'lam, on va se quitter sur cela et on continuera, inchallah, dans la prochaine allocution sur l'explication de ce chapitre et plus particulièrement de ce hadith. Wallahu a'lam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.